premier temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire qui, toute la semaine, interrogera historiennes et historiens sur leur regard à propos du mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, donc, démocratie directe, démocratie représentative. Demain, nous évoquerons la question de la longue histoire des violences, des conflits sociaux, mais également des violences d'État. Mercredi, nous parlerons impôts et salaires. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir deux historiens dont les livres importants tous les deux traitent l'un et l'autre de la question de la politique, mais aussi de la représentation démocratique dans notre pays. Nicolas Rousselier est avec nous. Il a publié en 2015 « La force de gouverner », une réflexion sur le pouvoir exécutif en France entre le 19e et le 21e siècle. C'est dans la collection Essais chez Gallimard, et Gérard Noiriel vient tout juste de publier Une histoire populaire de la France, de la guerre de Cent Ans à nos jours, aux éditions Agone. Bonjour Nicolas Rousselier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, et bonjour à vous, Gérard Noiriel. Bonjour. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance de publier un livre comme Une histoire populaire de la France, alors que tout le monde attendait, dans une certaine sphère de la politique en France, le surgissement de mouvements sociaux. Vous aimez les mouvements sociaux, vous vous y intéressez depuis très longtemps maintenant en tant qu'historien, et là, de façon très impromptue et sans même l'avoir prévu, il y en a un qui surgit. Alors est-ce un mouvement social? On va en parler avec Nicolas Rousselier, avec vous-même. Oui, est-ce que c'est simplement de la chance? Parce que est-ce que finalement nos disciplines ne nous permettent pas de prévoir, mais enfin de mettre en évidence un certain nombre de problèmes? Je pense que c'est quand même la conclusion de mon livre était quand même assez, pas dire prémonitoire, mais je veux pas. C'était aussi appuyé sur toute une série de travaux de sociologues, d'économistes. De quel avenir Emmanuel Macron est-il le nom? Voilà, c'est-à-dire on sentait quand même depuis un certain nombre d'années, ça ne remonte d'ailleurs bien avant le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais un fossé qui se creusait, je dirais. Donc c'est un aboutissement, mais c'est vrai que bon, ça permet de donner plus de visibilité à ce genre de recherche. Mais néanmoins, il y a la surprise. En l'occurrence, c'est-à-dire la surprise de voir surgir un mouvement quand on ne l'attendait pas véritablement, à un endroit où on ne l'imaginait pas, dans des lieux multiples comme c'est le cas pour les ronds-points des Gilets jaunes. Et là, c'est une vraie surprise. Et vous savez, quand vous regardez dans l'histoire, c'est ce que je montre dans mon livre, les mouvements sociaux prennent toujours les élites par surprise. C'est déjà parce que un mouvement ne ressemble jamais au précédent, et puis c'est jamais au moment où on l'attendait. Donc là, on a une vérification, vous savez, 68, on pourrait dire la même chose, des grèves du Front Populaire, ou la Commune de Paris, ou de 1848. À chaque fois, se reproduit cette surprise. Ce qui est sain, je dirais. Parce que ça prouve que tout n'est pas prévisible. Nicolas Rousselier, vous êtes d'accord, justement? Vous avez été surpris comme tout le monde, bien que observant de près l'histoire politique en France? Oui, j'ai été surpris absolument comme tout le monde. Je dirais que le mouvement prend à contre-pied pas seulement les élites, mais aussi des mouvements ou des partis, des organisations qui seraient supposées porter avec eux le mouvement social, les syndicats, je pense évidemment en premier lieu. Donc oui, il y a crise de la représentation. À plusieurs titres, enfin pour aller au plus simple, je veux dire, la première chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est qu'il y a de toute façon une crise de la représentation à l'origine même de la Ve République. C'est-à-dire à l'origine de la Ve République, le dégât collatéral de l'avènement de la Ve République, c'est à quoi sert le Parlement, le rôle du Parlement. Et surtout de l'élection du président de la République au suffrage universel. Oui, mais ça c'est une dynamique qui se met en place un peu après. La première chose, c'est que l'avènement de la Ve République, c'est la sûreté, la stabilité de l'exécutif. Voilà. C'est-à-dire que la gravité de la stabilité de l'exécutif l'emporte sur le fait de donner la parole à la représentation nationale. Le terme de représentation nationale n'ayant d'ailleurs plus beaucoup de sens depuis l'avènement de la Ve. La deuxième chose, c'est qu'il y a une crise de la représentation des années 2000 plutôt sur justement tous les connecteurs démocratiques, partis, syndicats, associations. Et la troisième chose qui me semble la seule chose nouvelle surprenante, c'est que il y a maintenant une attaque directe, un petit peu sans filtre, en direct, en instantané, du président de la République lui-même. Moi, je dirais que c'est un mouvement plus politique peut-être que social, en tout cas il n'est pas social classique, mouvement politique parce que c'est la première crise anti-présidentialiste. Mais il faut dire aussi que le président a donné de son corps, en l'occurrence depuis le début de cette présidence, un peu comme Nicolas Sarkozy descendait pour des bains de foule et se retrouvait face à la population qui, au fur et à mesure, devenait de plus en plus hostile et qui, d'une certaine façon, lui interdit à un moment de continuer ses bains de foule. Eh bien, on voyait bien que Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat, cherchait le contact, y compris en disant « vous pouvez me dire des choses désagréables parce que je suis le président ». Oui, absolument. C'est pour ça que je parle de politique sans filtre, parce que dans la tradition que j'ai étudiée dans mon livre, il y avait ce qu'on appelle la force de gouverner. La politique cérémonielle, c'est-à-dire qu'effectivement, même à l'époque de la Troisième République où les présidents sont faibles en termes politiques, les présidents de la Troisième, de la Quatrième et encore de Gaulle réussissent à avoir une politique cérémonielle où vous avez des centaines de milliers, parfois des millions de spectateurs qui accompagnent les voyages présidentiels en province. Vous avez un protocole, Nicolas vous avez des Mario défilés. A écrit là-dessus d'ailleurs. Donc c'est énorme. Ensuite, vous avez l'ère des partis politiques où il y a aussi un filtre. Et des masses qui se font entre un chef politique, un représentant politique d'un côté, et puis le peuple de l'autre. Là, effectivement, les partis ne sont plus intermédiaires entre le président et le peuple qui est dans la rue. Il n'y a plus même de cérémoniel ou de protocole. Et au fond, on est presque dans le dur. On est à l'os. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. La chair qui était les partis politiques, la représentation nationale, a disparu. Donc maintenant, à portée de baffe. Et à portée de baffe, oui. C'est ce que l'expression même utilisée dans le mouvement. Et donc, c'est ce qui se passe dans les visites que le président effectue en province. Et finalement, le mouvement des Gilets jaunes, il est lui-même, en quelque sorte, ultra-présidentialiste. C'est-à-dire qu'il est au mouvement social ce qu'est l'ultra-présidentialiste qui est devenu la Ve République. Au fond, la seule cible du mouvement, c'est bien Macron. Macron démission, qui s'impose aussi aux lycéens. Et il n'y a aucun filtre qui est dénoncé. On ne dit pas dissolution de l'Assemblée, on dit Macron démission. On ne dit pas démission du gouvernement. Des leaders politiques comme oui. Jean-Luc Mélenchon disent dissolution de l'Assemblée, mais... Oui, mais les instruments de la démocratie représentative, c'est-à-dire les fusibles, ne sont pas attaqués par les Gilets jaunes. Ils attaquent directement l'os du président. Gérard Moriel. Oui, moi je dirais d'un point de vue sociologique plutôt que social, parce que c'est un mot qu'il faudrait définir. Je pense que cette crise, elle est le plus ancienne, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a toujours eu depuis la Révolution française une double approche, conception de la citoyenneté, celle qui passe par la délégation de pouvoir. On élit, on choisit des représentants qui sont choisis par leurs compétences, et puis de l'autre côté, on a donc une volonté qu'on retrouve déjà chez les sans-culottes de participer directement à l'action politique. Et ça, c'est lié aussi à une évolution, enfin si on pense sur la longue durée, des liens sociaux. C'est-à-dire, on est dans des sociétés où, dans l'ancien régime, enfin, où les liens directs priment, et puis progressivement, on a des liens indirects. Mmh. Donc, c'est une contradiction qu'on voit bien aujourd'hui entre une aspiration à la démocratie directe et puis un système politique qui fonctionne par une multitude de liens indirects qui nécessitent donc la représentation. Oui, vous rappelez, et vous citez d'ailleurs Bernard Manin à ce propos, vous rappelez la question du processus électoral qui n'était pas un acquis de la Révolution puisqu'il était déjà pratiqué sous l'Ancien Régime, mais vous expliquez aussi que Robespierre, c'est à la page 266 de votre livre, Gérard Noriel, une histoire populaire de la France, prononça le 29 juillet 1789 un discours essentiel dans lequel il disait que le mot peuple était installé. Donc, c'est comme ça que vous l'analysez, Gérard Noriel, au centre d'une nouvelle langue politique. Et effectivement, c'est au nom du peuple que l'on élit, c'est au nom du peuple que l'on nomme des représentants. Mais quand le peuple lui-même ne veut plus de ses représentants, que fait-on en l'occurrence, Gérard Noriel ? Eh bien, ça a été une des dimensions de l'histoire de politique de la France, puisqu'on voit bien qu'à chaque fois, je dirais que ce soit sous la Révolution française, mais en 1848, sous la Commune de Paris, même après, enfin peut-être en 68, en mai 68, il y a toujours cette mise en cause de la représentation, de la délégation. Et une fois que le mouvement social s'atténue, eh bien, ces aspirations-là, elles demeurent, mais elles sont enfouies, elles n'ont plus d'expression publique. Mmh. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que je crois aussi que dans les mutations, dans le caractère nouveau de ce qui se passe aujourd'hui, il faut prendre aussi peut-être réintégrer la sphère politique, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas Rousselier, mais au sein aussi d'un espace public qui lui-même a changé dans la relation entre les représentants politiques et les journalistes, et les médias, avec donc où il y a des effets de proximité, de fausse proximité quelque part, hein, mais qui jouent peut-être aussi dans les formes d'appropriation donc du vocabulaire politique. Nicolas Rousselier. Moi, ce qui me frappe dans le mouvement social, mouvement supposé social des Gilets jaunes, c'est qu'en fait, il a fonctionné un peu à titre de procuration. C'est le terme qu'on utilisait déjà en 1995. On disait, il y avait une grève de la fonction publique et tous les autres, les salariés du privé, soutenaient le mouvement de la grève dans la fonction publique. Là, on n'a pas de grève. Donc ça interroge beaucoup sur la nature du mouvement social. Mmh. Mais on a une sorte de procuration généralisée, puisqu'on a beaucoup utilisé le fameux 80%. Mmh. 80% de Français soutiennent. Et au fond, le mouvement s'est construit d'une part sur « je suis soutenu par 80% de la population, donc par procuration, je fais le travail pour l'ensemble de la population ». Et la deuxième chose, les cinq actes, les actes du samedi. Mmh. Et là, ils se sont la dynamique, il faut bien l'appeler comme ça. La dynamique, c'est les actes du samedi qui ont joué aussi sur le rapport de force, la violence. Donc, on a, si vous voulez, un mouvement qui, dans sa nature même, je dirais, bien sûr qu'il est social puisqu'il y a un rassemblement de personnes. Il y a peut-être au maximum 300 000 personnes qui ont vraiment été actives. Mais au fond, ça ne joue pas par la grève, ça ne joue pas par l'occupation d'usines, et ça se joue beaucoup par virtuel. Ça voudrait dire que je suis un petit peu négatif sur le mouvement, mais en tout cas, il y a cet effet de procuration. Mm-hmm. Oui, ce qui est très intéressant, c'est le renouvellement du répertoire d'action, comme on dit généralement quand on parle de mouvements sociaux, du répertoire d'action, c'est-à-dire que là, effectivement, on a un mouvement qui naît de façon inhabituelle, qui se développe de façon inhabituelle, qui n'a pas de représentance, le pouvoir s'en est d'ailleurs suffisamment plein, Gérard Noiriel, et d'une certaine façon qui invente au fur et à mesure une forme de mouvement qui était inédite, en tout cas dans notre propre pays, Gérard Noiriel. Oui, ce qui est d'ailleurs un bon indice de ça, c'est les symboles. Le symbole du gilet jaune, qui est, je trouve, vraiment la preuve d'une imagination collective qui n'a pas été prédéterminée par des grandes théories intellectuelles, etc. Et qui est, quand on y réfléchit, c'est vrai que je vous reconnais que moi-même, au début, je n'avais pas fait le lien. Et c'est progressivement, je me suis dit, oui, il y a un lien avec les revendications. Puisque on sait que le gilet jaune, c'est l'instrument, bon, pour quand on est en panne au bord de la route, qu'il faut donner une visibilité. Enfin, il y a des choses qui... Et je trouve que c'est... peut-être plus important que ce qu'on croit, cette dimension symbolique. C'est-à-dire, il suffit pas d'avoir une idée, même de communiquer sur les réseaux sociaux pour donner un mouvement de masse. Il faut que ça touche les gens. Et là, il y a une dimension importante aussi d'un point de vue socio-historique, c'est le rapport au langage. Moi, parce que la représentation, ça commence déjà par la capacité de nommer dans un langage articulé des souffrances personnelles. Hein. Donc là, c'est aussi ça, la capacité de nommer. Moi, j'ai dit, en reprenant ce que Pierre Bourdieu avait écrit par rapport au salaire, j'ai mal à la taxe, au lieu de dire j'ai mal partout. Mmh. Parce que voilà, le mot taxe, ça permettait de rassembler un certain nombre de souffrances qui, on l'a vu après quand le mouvement s'est développé, qui sont disparates, multiformes, etc., qui relèvent de la souffrance que subissent aujourd'hui une bonne partie des classes populaires. Et alors donc, un mois après la naissance de ce mouvement, il y a des figures qui sont apparues, qui se sont même installées dans les lieux symboliques. Avant-hier, c'était à l'Opéra et il y a quelques jours, c'était en milieu de semaine, le 13 décembre, c'était devant la salle du Jeu de Paume à Versailles, Priscilla Ludowski. Voilà bientôt un mois que le mouvement populaire des Gilets jaunes secoue la France. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. Il est l'expression d'un peuple qui, depuis 40 ans, se voit dépossédé de tout ce qui lui permettrait de croire en son avenir et en sa grandeur. Voilà 40 ans que président après président, élection après élection, les trahisons, les mensonges et les abandons se succèdent. Par conséquent, nous, Gilets jaunes, exigeons une baisse sérieuse de toutes les taxes et impôts sur les produits de première nécessité, énergie, logement, transport, produits alimentaires, vêtements, etc. Ainsi qu'une baisse significative de toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et futures des élus et hauts fonctionnaires. Et dans cette même conférence de presse devant la salle du Jeu de Paume à Versailles, eh bien, il y avait un autre leader de ce mouvement des Gilets jaunes qui demandait le référendum d'initiative populaire pour la France. L'usage des symboles, disiez-vous, Gérard Noiriel, quel symbole que la salle du Jeu de Paume, Nicolas Rousselier, on se dit, voilà, on revient au tout début de la Révolution française. Oui, mais moi, je dirais qu'il y a une chose qu'il faut éviter de faire, c'est de séparer mouvement social et représentation. Je dirais, il n'y a pas d'un côté les institutions représentatives qui sont en panne, qui trahissent, qui sont dans la distance avec le peuple, et puis de l'autre côté, un mouvement social qui, par nature, du fait même qu'il s'ancre dans la population, serait authentique, etc. La représentation, elle est aussi tout de suite, dès le départ, dans un mouvement social ou dans un mouvement politique. C'est-à-dire que là, on est en... le mouvement des Gilets jaunes n'a fait que de la représentation et a démultiplié la représentation. Donc, on a des représentants comme la dame qu'on vient d'entendre. On a aussi, pour jouer sur les mots, on a aussi de la représentation, c'est-à-dire la représentation où on se filme. J'étais beaucoup frappé de voir que même au cœur de la violence, les manifestants des actes du samedi se filmaient pour ensuite mettre ça en vidéo. Donc la représentation, elle est au cœur même d'un mouvement social. Je ne sais pas ce qu'en pense Gérard Noiriel, mais on ne peut pas opposer. Parce qu'un mouvement social, alors là au sens classique, c'est très vite, par exemple, écrire un tract. Il faut bien déléguer quelqu'un à l'écriture du tract. Il faut déléguer, par exemple, 3 ou 4 personnes. Il faut faire les banderoles. Il faut faire un comité de grève. Il faut déléguer des personnes, par exemple, pour un état-major qui élabore une stratégie dans la grève, dans la manifestation, dans le rapport de force. Collecter des fonds pour pouvoir permettre ce mouvement tout de durée. Tout ceci, ça s'est fait dans les Gilets jaunes. Ça s'est fait d'une nouvelle manière, mais ça s'est fait dans les Gilets jaunes. Oui, c'est ce que j'avais écrit dans la tribune dans Le Monde. Je pense qu'effectivement, on doit se réfléchir à ça, en prenant le temps que la recherche exige aussi. Hein. Ouais. Mais comme ça, à titre d'hypothèse, on peut montrer qu'effectivement, je crois qu'on est en train peut-être de passer d'un certain mode de représentation à un autre. C'est pour ça que ça permet d'éviter aussi de jouer les donneurs de leçons, de faire voilà des jugements par rapport aux syndicats, etc. Et je pense, je suis tout à fait d'accord avec vous, on n'en est pas en dehors de la représentation. Ouais. Mais voilà, les formes de représentation change, il faut passer devant les chaînes d'info continue, il faut voilà les réseaux sociaux, parler de façon courte pour que ces chaînes puissent reprendre. Et ça, ils ont une culture, enfin cette nouvelle génération, souvent ils ont une culture déjà de l'image, il y a une sorte de démocratisation aussi de l'accès à l'image et de l'usage de l'image. Et j'étais aussi frappé que vous quand je voyais dans les manifestations les gens en train de se filmer, en train de manifester. Imaginons ça à l'époque du Front populaire, enfin c'était complètement inouï quoi. Donc là voilà, là il y a des éléments nouveaux qui s'imposent. Et puis, alors, dans cette question de la représentation, il y a aussi la capacité, comme je le dis souvent, aux champions de boxe du canton de s'attaquer directement aux champions du monde, ou en champion de France, en l'occurrence, et par l'intermédiaire des réseaux sociaux, Nicolas Rousselier. Mmh. Ce qui est tout à fait évident, c'est que là, on peut s'adresser directement à chacune des personnes de l'élite, que ce soit des hommes politiques, des députés, des représentants médiatiques, par exemple, en allant poster directement sur leur compte Twitter, sur leur compte Facebook, sur leur compte Instagram, des revendications, des demandes, des insultes, des récriminations, etc., etc., Nicolas Rousselier. Et cela, effectivement, dans la question de la représentation, ça change des choses aussi. Oui, mais moi, je suis assez sceptique sur l'idée d'horizontalité de l'Internet et des réseaux sociaux, parce que l'impression que ça me donne, le personnage de Fly Rider, je crois qu'en anglais, ça veut dire, en quelque sorte, le cavalier volant. Mmh. Bon... je suis frappé par le fait que il y a aussi une sorte de compétition interne à l'ensemble de ces représentants pour savoir lequel aura le plus de followers, le plus de visionnage de ces vidéos aussi. Et donc je suis pas sûr que spontanément les réseaux sociaux produisent de l'horizontalité, de l'égalité. C'est-à-dire que en fait la représentation, comme je le disais, elle est tout de suite là. Y compris en termes de spectacle, au sens de Guy Debord. C'est-à-dire que là, vraiment, on est aussi dans un spectacle, et c'est ça qui est probablement nouveau aussi, une dimension nouvelle, c'est la mise en spectacle de ce mouvement. Qui semble-t-il, c'est-à-dire la mise en spectacle est la condition même de sa dynamique. Oui. Mais contrairement à un mouvement social traditionnel, il était assez homogène au départ, avec le côté gilet jaune, revendication contre les taxes, mouvement antifiscal, et plus sa dynamique s'est développée, plus il est devenu hétérogène, ce qui est le contraire d'un mouvement social classique qui est pris en charge par une organisation, un comité de grève, qui obtient des choses par négociation. Mmh. Oui, Gérard Noiriel, il y a cette dimension-là, et ce que vous appelez, en recitant encore Bernard Manin, spécialiste effectivement de la question démocratique en général, la démocratie du public, dites-vous. C'est quoi la démocratie du public ? La démocratie du public, c'est effectivement, selon Bernard Manin, mais mes propres recherches, disons, confortaient un petit peu cette analyse qui date des années 90. Ouais, donc voilà. Mais je trouve que c'est tout à fait pertinent, c'est-à-dire qu'il y a un affaiblissement des partis politiques au profit de nouvelles, ce qu'on vient de dire, de nouvelles formes de représentation. Et je mettrais presque peut-être au sein d'un même univers l'élection d'Emmanuel Macron, par exemple, les modes où on voit quelqu'un quelqu'un, un outsider, surgir comme ça, en dehors des partis classiques, et qui, en jouant sur Internet, etc., réussit à se faire élire président de la République. Et ce mouvement-là, est-ce que c'est pas une nouvelle ère qui est entamée, donc, qu'on pourrait nommer la démocratie publique? Parce que je veux dire juste une chose, effectivement, par rapport à ce qu'on peut appeler, être méfiant par rapport à cette spontanéité, cette soi-disant égalité, c'est que dans la multitude des choses qui paraissent aujourd'hui sur Internet, etc., il y a quand même des sélections. Pourquoi on va retenir et qui opère? C'est là qu'on voit le rôle des chaînes d'information continue, des médias qui vont sélectionner aussi elles-mêmes, parmi toutes ces représentations, ceux qui vont passer à la télé. Et on a vu d'ailleurs dans, vous savez, toute cette théorie, je crois qu'il en était, ce fly rider là, du complot. Eh bien, qu'est-ce que ça signifiait? C'est que la frustration qu'ils ressentaient par rapport au fait que l'actualité était tout d'un coup centrée sur cet attentat à Strasbourg, etc. Et du coup, qu'ils n'étaient plus au centre du jeu médiatique. Nicolas Rousselier, sur effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait que l'horizontalisation n'est pas pour demain, qu'il y a toujours une demande effectivement de représentation, même si elle est plus confuse. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de ce principe qui a été cité l'autre jour dans un article d'AOC? Il faut dire que le travail d'AOC, comme site internet qui a pris beaucoup de tribunes autour de cette question des gilets jaunes, est tout à fait remarquable, par Dominique Rousseau, le constitutionnaliste, qui rappelait effectivement le principe qui était énoncé par Sieyès en 1789, le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. Mais il faut donc les trouver, ces représentants en question. Oui, mais ce que je dirais, c'est que il faut pas non plus uniquement se centrer sur les événements révolutionnaires. Gérard Noiriel a cité effectivement 89, 48, la Commune. Entre ces moments révolutionnaires, il y a tout le travail politique des régimes qui n'ont pas forcément bonne presse, mais c'est pas le problème. La Restauration, la Monarchie de Juillet. Et là, vous aviez eu un travail d'institution, notamment du parlementarisme, de la représentation. Mais attention. Sur le modèle anglais, enfin, très influencé par là. Justement. Et c'est la même chose dans le modèle anglais. Et là, dans une phase, qu'on pourrait dire la phase 1, phase historique, la représentation précède la démocratie, et surtout la représentation se construit à distance de la démocratie. Mmh. C'est-à-dire que le type de sélection que l'on fait des représentants a pour but, disons, la qualité supposée des représentants, par le régime sans, le suffrage censitaire notamment, ou le suffrage anglais qui a les mêmes effets. Donc la qualité de représentant n'est pas du tout dans le sens démocratique moderne. Donc ça, dans la phase 1, vous avez une histoire de la représentation qui non seulement précède la démocratie, mais essaye de la mettre à distance, d'autant plus que la démocratie au XIXe siècle a beaucoup le sens de démocratie sociale. Ce n'est pas encore identifié à un régime politique. La phase 2, la démocratie devient un régime politique. C'est la rencontre entre le régime représentatif, au sens de Bernard Manin, une technique de représentation des députés, et le suffrage universel. Ce qui fait que la notion de démocratie a tendance à s'identifier avec la technique du suffrage universel, ce qui laisse de côté la démocratie directe. Et il y a la phase 3 que j'ai étudiée dans mon livre, où là, finalement... La force de gouverner. Voilà, quand il y a l'élection du président de la République au suffrage universel, à partir de 65, la première élection... Là, la démocratie électorale tend à se retourner contre la représentation, parce que cela délégitime les représentants nationaux classiques, la délibération, l'assemblée, et cela met en place l'élection directe du chef. Mais c'est pas du tout la même chose qu'un représentant. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est dans une démocratie post-représentative depuis 1965, parce qu'on élit l'exécutif, on élit le capitaine, qui va prendre, supposer, qui est capable ensuite de prendre les décisions quasiment en direct, puisque les décisions prises par le président de la République, notamment Macron, passent comme une lettre à la poste quasiment, via le Parlement. Y compris devant le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État quand ils Donc, sont évidemment, contestés. Donc évidemment, dans un mouvement social, à qui s'en prend-on? Quelle est la cible? C'est évidemment la cible de celui à qui on attribue d'avoir pris la décision en direct, sans filtre. Donc le côté sans filtre du mouvement social se retrouve constitutionnellement dans le côté sans filtre de la 5e République. Vous voulez dire que c'est peut-être comme l'œuf et la poule, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi le système représentatif tel qu'il existe depuis 1965, Nicolas Rousselier, qui finit par donner cela d'une certaine façon. Oui, à force d'avoir économisé, triangulé les partis, puis les syndicats, puis finalement l'opinion au sens traditionnel, on se retrouve à l'os. Oui, Gérard Noiriel. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance plus large que la France? Que quand on le présidentialisme, on le retrouve aussi si on prend les États-Unis, etc. Donc voilà, c'est le lien qu'on peut faire aussi avec les médias, le fait que maintenant un simple tweet est perçu comme un discours politique, etc. Donc, voilà. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Un jour. jour mon patron me dira allez, je vous augmente aussi, mais aujourd'hui je vous licencie. Merci aux pots de la langue de bois, merci au rat d'un millionnaire. Donnez des pièces jaunes à Carla pour qu'elle nous sorte de la galère. Merci aux banques sans foi ni loi, le pouvoir d'achat ne me connaît pas. La seule bourse assez bien pour moi, c'est celle que je touche à la fin du mois. Alors pour toute l'hypocrisie, un grand merci à Sarkozy. Grâce à vous tous on se dit, bon Dieu dans quel monde on vit. Du FMI au RMI, de l'ISF à SDF, des ministères à la misère, de la CGT au MEDEF, du caniveau à la tête de l'État, une retraite chapeau au RSA, la France d'en haut à celle d'en bas. Surtout pour ceux qui connaissent la crise, je lève mon verre à votre santé avant qu'on se fasse tous sauter. Moi dans la vie je m'en fais pas, je bouffe des pâtes à tous les repas. Embrasser pour moi la famille pendant que mes frères crient à la famine. Merci Monsanto pour tous tes beaux OGM. Merci à Quick et McDo pour nous vendre la bouffe qu'on aime. La course à la consommation produit des consommation. Et vous qui trouvez tout horrible, moi je dis qu'ensemble tout est possible. C'est pas grave, on vous pardonne quand dure le monde à sa perte. Bien sûr vous avez la dame, nous on fera avec les restes. Reprends une part de conneries pour le dessert. Je sais que t'en as marre mais y'a que ça qui reste pas cher. Je vous jette pas la pierre, vous qui bossez comme des fous pour nous sortir de la galère. Après tout j'ai voté pour vous, la croisière s'amuse pendant qu'on patoche dans la boue. Excusez-moi j'abuse, je suis dans la merde jusqu'au cou. Du FMI au RMI, de l'ISF à SDF, des ministères à la misère, de la CGT au MEDEF, du caniveau à la tête de l'État, une retraite chapeau au RSA, la France d'en haut à celle d'en bas. Le groupe L'Homme parle, on pourrait croire que ce titre a été créé pour le mouvement des Gilets jaunes, il date de 2009 en fait, c'est un groupe qui s'appelle, qui est 100% indépendant, qui est sous le label Activiste, et le titre s'appelle La Crise. Nous sommes avec Nicolas Rousselier et avec Gérard Noiriel pour évoquer la question donc de la démocratie représentative ou pas dans notre pays à l'occasion justement de ce mouvement des Gilets jaunes. Dans le point de ce week-end, le philosophe Peter Sloterdijk, qui connaît bien la France, regarde avec pas mal d'ironie ce pays dont il dit qu'il se veut le peuple des peuples. C'est évidemment un jugement allemand sur la France, avec un risque de crise d'hystérie collective assez élevé, dit-il, à propos de la France. Mais il rappelle que, pour lui, une grande lecture pour comprendre la France, c'est Michael Bakhtin parlant de Rabelais. Et il évoque la question du carnaval ou du carnavalesque dans une série de manifestations comme celle qu'on vient de connaître depuis un mois. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard Noiriel ? Vous êtes assez d'accord avec cette idée du carnaval ? Disons que j'avais écrit effectivement dans un papier que ce qui manquait un petit peu au mouvement des Gilets jaunes, c'était cette ouverture, sur la culture ou les traditions culturelles propre aux classes populaires, et notamment, par exemple, les charivaris. Vous voulez dire que c'est vous qui êtes à l'origine de la deuxième partie des Gilets jaunes. Mais vous faites le lien, donc je me dis que c'est par rapport à... Vous lisez tout, voilà. Et donc, effectivement, cette tradition carnavalesque, il faut bien voir, enfin, qu'elle commence à s'effilocher à partir, justement, de l'âge moderne. C'est-à-dire que lorsque les... C'est ce que montre Bakhtin, d'ailleurs, le 15e, 16e siècle sont un mouvement, un tournant par le fait où il y a une sorte de disciplinarisation de la culture populaire dans des formes écrites, etc., y compris par d'ailleurs la religion protestante, puis la contre-réforme, mais qui a effectivement cette tradition forte du carnaval comme manière de subvertir le discours dominant, c'est-à-dire des formes esthétiques ou subversives qui renversent la logique dominant-dominée. Oui, avec des impressions assez étranges d'effigies de Macron seront pendus, Nicolas Rousselier, Macron vient de chercher quand on veut descendre jusqu'à l'Élysée, ou encore des guillotines sur les ronds-points, des guillotines dont Guillaume Mazeaud dit dans un article d'AOC justement récent qu'il ne faut pas y voir autre chose que le retournement de la peine des exactions en effigie. C'est comme ça qu'il le pense quand on pendait ou quand on brûlait un condamné en son absence. C'est un peu la même chose, dit-il, que de voir Emmanuel Macron dans des positions très désagréables sur les ronds-points. Mais néanmoins, effectivement, il y a l'effigie, la représentation du pouvoir, et en particulier de celui qui incarne le plus directement le pouvoir central en France. Oui, c'est ce que je disais en disant sans filtre, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression d'un retour à la case départ, c'est à la case de 89-92, où on s'en prend directement au roi, à mesure même que les pouvoirs intermédiaires dans les années 1750-1789 avaient fait faillite. C'est-à-dire que les parlements d'ancien régime avaient été remis en question, il n'y avait plus de représentants de toute façon de nature classique, et les tentatives d'assemblée des notables qui avaient précédé les années de la Révolution avaient totalement échoué. Donc, quand il n'y a absolument aucune perception de canal et de porte-parole, on s'en prend directement au roi ou à Macron. Oui, vous citez Gérard Noiriel dans votre Histoire populaire de la France, cette phrase que je ne connaissais pas de Blaise Pascal, la coutume de voir les rois accompagnés de gardes, de tambours, d'officiers, de toutes les choses qui ploient la machine vers le respect et la terreur, parce qu'on ne sépare point de la pensée leur personne, d'avec leur suite, qu'on y voit d'ordinaire jointe, et le monde, qui ne sait pas que cet effet vient de cette coutume, croit qu'il vient d'une force surnaturelle, pour parler effectivement de l'instauration d'un pouvoir qui devient de plus en plus absolu. Mais là, en l'occurrence, la force surnaturelle n'est plus là. Ça, c'est toute la complexité du pouvoir symbolique. Il y a toujours le décorum, il y a toujours les gardes républicains. Et ça peut se renverser et aboutir justement à des formes de crise comme celle qu'on vit. Sans oublier que Emmanuel Macron avait lui-même fait référence, et c'est même presque une référence fondatrice dans sa candidature, il avait lui-même fait référence à l'événement de la Révolution française. Chose de grave s'était passé à cette époque-là. Oui, le titre même de son programme s'appelait aussi Révolution, mais il avait fait référence à la mort du roi, au fait que le roi avait été exécuté et que ça avait laissé un vide qui n'avait jamais été comblé depuis lors. Donc sa référence, effectivement, elle est depuis ce départ par rapport à la Révolution française. Gérard Noiriel, sur cette représentation, on sait qu'il y a quelques semaines est sorti, ça n'a pas eu le succès escompté, Un peuple et son roi, mais on a vu, moi j'ai vu des vidéos sur lesquelles, il y avait la bande-son du film de Pierre Scholler, avec des personnages d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, qui est remplacé à l'image, donc dans des petites vidéos, remplacé Louis XVI et Marie-Antoinette. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est une forme de, parce que ce film n'a pas eu forcément un très grand succès. Donc ceux qui ont été capables de faire ça, de mettre une bande son, on voit que dans le mouvement qu'on appelle populaire, mais moi c'est ma définition du populaire. Pour moi, le populaire ne se limite pas aux classes populaires. Mm-hmm. Pour moi, c'est une relation sociale qui implique toujours différents milieux sociaux. C'est le mot peuple au sens politique du terme, d'ailleurs. Vous dites pour la Révolution française ou pour d'autres moments dans votre Histoire populaire de la France, effectivement, il faut. Ça n'est pas le peuple lui-même qui avait lu Rousseau ou qui avait lu Voltaire, mais c'était des gens qui servaient de transmetteurs, justement, entre Voltaire et Rousseau et leurs œuvres, et le peuple qui avait fait infuser, dites-vous, ce que d'autres historiens de la Révolution disent, infuser ces idées-là jusque dans la population parisienne. Il y a toujours une alchimie, et justement, on ne peut jamais prévoir ce que donnera une révolte sociale ou un mouvement social, je ne sais pas s'il faut entrer dans les différences de mots, mais on ne peut jamais prévoir, parce que c'est dans ce moment-là où se fusionnent, je dirais, des milieux sociaux différents, que se joue l'avenir aussi d'un mouvement. Ce qui en restera, ce qui en restera pas, les choses importantes qui seront dégagées, etc. Nicolas Rousselier. Et ce qui est aussi amusant, à titre historique et de comparaison, c'est de voir aussi que dans l'histoire des régimes modernes, donc qui ont, articulé dans un attelage qui n'est jamais équilibré, qui ont articulé représentation et démocratie par l'élection, vous avez aussi d'autres voies que la voie française. Par exemple, je pense à la voie anglaise, justement, où, comme disait le constitutionnaliste du XIXe siècle, Bagehot, dans sa English Constitution, la constitution anglaise, il disait une chose très intéressante. Il disait en gros, le monarque, c'est la reine Victoria à l'époque, avec le prestige qu'elle a, parce que Bagehot écrit à la fin des années 1860. Il disait, finalement, elle a perdu le terrain, elle a perdu la partie, le match, du point de vue du pouvoir politique, elle a très peu de pouvoir politique, mais toute la partie, ce que Bagehot appelle la partie digne, dignifiée, faudrait-il traduire en français, la partie dignifiée de la monarchie reste entière. Elle s'est même développée. C'est-à-dire qu'à mesure que le pouvoir politique réel diminue, la partie digne, ce que, on rejoint Pascal, tout ce décorum, cette légitimité de la famille royale anglaise s'est redressée grâce au règne de la reine Victoria. Parce qu'auparavant, c'était pas du tout le cas des rois précédents. Et donc là, il y a quelque chose qui fait qu'en Angleterre, on voit bien qu'en ce moment, par exemple, c'est, pour rester poli, le chaos du point de vue parlementaire, un vote de défiance qui a été retiré au dernier moment. Bon, on est vraiment dans le chaos parlementaire, mais il n'y a pas la crise. Personne ne dirait qu'il y a une crise du régime en Angleterre. Pourquoi les monarchies, peut-être, sont... Oui, voilà. Alors, si on arrive à faire dire à Gérard Noiriel que les monarchies non, sont parce supérieures... Non, parce qu'on peut dire aussi, que c'est la noblesse de la République française que de mettre... justement, à portée de baffe, son pouvoir. Et de ne pas l'entourer, d'une espèce de décorum et d'odeur de sainteté autour du pouvoir. Oui, alors, Gérard Noiriel, Dominique Rousseau, dans l'article que je citais tout à l'heure d'AOC, donc il est constitutionnaliste, dit, voilà, le lien représentatif a disjoncté. C'est comme ça qu'il le voit, lui, de sa part. Les représentés ne se voient plus dans le corps de leurs représentants, ne s'entendent plus par leur voix, et les représentants ne regardent plus, n'écoutent plus, ne connaissent plus celles et ceux qu'ils sont censés représenter. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une coupure, d'après Dominique Rousseau, dans notre pays de ce point de vue-là. Mais il dit, en fait, à la fin, il faut un véhicule. Sans véhicule, l'idée reste sur place. Sans institution qui la porte dans la durée, l'idée retombe. Et donc, il faut imaginer des institutions qui, par leur désignation, qui par leur procédure de décision, leur mécanisme de contrôle, restent ouvertes et connectées à l'énergie sociale qui les a produites. C'est ce que dit Dominique Rousseau dans cet article excellent d'AOC. Effectivement, la question, c'est que nous sommes un peu à la fin, peut-être, de ce mouvement des Gilets jaunes tel qu'on l'a connu depuis un mois. Il est peut-être en train de s'essouffler, et encore, on ne sait pas. Mais d'une certaine façon, l'énergie est toujours là. Et cette énergie va se transformer comment? Quel véhicule va-t-elle prendre pour pouvoir aller plus loin? Bon, un historien n'est pas devin, mais ce que je veux dire, c'est, je voulais le dire aussi tout à l'heure, c'est que c'est aussi lié à une crise de la gauche. Je veux dire, l'espérance. C'est ce que dit Christiane Taubira hier dans le journal des Dimanche. C'est indéniable parce que il n'y a pas, je dirais, de force suffisamment représentative de ce côté-là, puisque les gens ont le sentiment d'avoir tout essayé, du point de vue des partis démocratiques, la droite, la gauche, etc. Donc il y a déjà quand même cet élément-là qui est assez classique, je dirais, mais qui est important. Il y a aussi le fait d'un recul dans, simplement, si on fait une analyse sociologique des gens qui sont députés aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun ouvrier, que les ouvriers représentent 20% de la population active. On est en recul par rapport au Front Populaire, alors même que dans le même temps, il y a une élévation considérable du niveau scolaire, de 80% d'une classe d'âge au bac, etc. Donc il y a cette aspiration qui est d'autant plus forte. Qui se remarque d'ailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'effectivement, beaucoup de ces porte-paroles portent véritablement la parole. Sont tout à fait capables de parler en public, ont des idées, etc. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension-là de la crise qui est très importante et qu'il faut solutionner. Voilà. Nicolas Rousselier. Alors oui, mais moi je dirais aussi attention à la définition du mot représentation. Parce qu'une fois qu'on aurait, et ça ce serait déjà très fort, très hypothétique, une fois qu'on aurait trouvé des solutions à la représentation dans son aspect de représentativité, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes porte la revendication, par exemple, d'assemblées citoyennes. 500 citoyens, par exemple, tirés au sort. Une fois qu'on met une assemblée qui a effectivement, en termes de miroir, une représentativité sociale, sociologique, mais c'est déjà une partie du problème peut-être qui est résolue, mais ensuite, ça ouvre un autre problème. C'est-à-dire, comment travaille-t-on une fois que l'assemblée est réunie? Parce que travailler, par exemple, sur... Imaginons, revenons dans l'époque où c'était bien le Parlement et non pas l'exécutif qui faisait le budget de la nation. Aujourd'hui, l'Assemblée citoyenne, tirée au sort, devrait commencer un travail extrêmement complexe, travail en commission, travail d'élaboration du budget, travail d'élaboration d'une loi. Donc, attention, il faut savoir aussi, l'étape 2, c'est l'étape de la délibération. Et là, ça souligne quelque chose qui est en fait, dont personne ne parle, mais qui est, à mon avis, le cœur de la crise de la démocratie représentative, c'est que dans une assemblée, quelle qu'elle soit finalement, ça peut être une assemblée de copropriétaires, où en fait vous avez trois pelés et quatre tondus qui détiennent tout le pouvoir dans l'assemblée de copropriétaires. Ce que je dis là, c'est du vécu. Donc une fois que l'assemblée est mise en place, il faut qu'il y ait un travail de délibération. Et là, il faut que les individus soient libres de leur vote, puissent délibérer en conscience, et c'est ce que j'appelle la liberté de conscience du parlementaire. Et là, effectivement, ça c'est un dégât collatéral de l'évolution des démocraties en France et ailleurs depuis maintenant 40 ou 50 ans. C'est intéressant de dire, vous dites 40 ou 50 ans, c'est ce que disait Priscilla Lioski devant la salle du Jeu de Paume il y a 4 ou 5 jours, et elle l'a redit donc sur les marches de l'Opéra samedi, une de ses porte-paroles du mouvement des Gilets jaunes, depuis 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans? Parce que tout compte fait, vous faites remonter ça plus loin à 60 ou 70 ans, puisque c'est en 1965 avec l'élection, la première élection au suffrage universel du président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait l'impression que c'est depuis 40 ans qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Moi, ma réponse, ce serait de dire, là, il faut aussi ne pas considérer que le social ou que le politique, il faut considérer aussi des éléments d'histoire économique. C'est-à-dire qu'on a quand même une phase pendant laquelle on a un état social qui se met en place, qui se développe, et c'est un état social qui va dans le sens du progrès, et qui effectivement renforce au fur et à mesure de la croissance économique, qui renforce la protection sociale. Et même mieux, ça c'est le carré magique, les progrès de l'État social étaient un facteur de croissance économique directement. Ensuite, depuis les années 80, on aime ou on n'aime pas, on est entré effectivement dans une économie d'endettement. C'est-à-dire que la survie de l'État social se fait sur l'endettement de la nation, l'endettement de l'État. Et en phase 3, là, elle est en pointillé. Donc là, elle est en jeu. La phase 3, c'est est-ce que on peut faire une politique d'austérité, de désendettement, de réduction des déficits publics sur la taxation générale, non pas en faisant payer les riches, parce que ça, économiquement, enfin, par rapport au problème de la dette et des déficits, c'est pas ça. Il faut le dire, c'est pas ça qui économiquement peut être, enfin, financièrement, budgétairement, ça n'est pas la solution. Peut suffire, en tout cas. Donc on est dans une quadrature du cercle, parce qu'il faut faire peser l'effort de désendettement sur l'assiette, la masse de la population. Donc c'est Gérard Noyel. Oui, ben évidemment, merci d'avoir rappelé, les questions économiques sont tout à fait déterminantes, et on voit dans les années 80 le basculement de l'économie mondiale vers le capitalisme néolibéral, et qui pose un problème, effectivement, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est que, est-ce qu'on peut résoudre sur un plan uniquement national des questions, voilà, qui aujourd'hui aussi sont intriquées au niveau international? C'est l'une des responsabilités aujourd'hui aussi des syndicats, des organisations qui représentent les classes populaires, de pouvoir se coordonner, au moins au niveau européen, c'est un gros enjeu, pour pouvoir peser et puis adopter des politiques économiques qui soient moins défavorables aux plus faibles. Et cette question, justement, des services publics, de la façon dont l'État dépense son argent, est au cœur aussi des critiques de certains des Gilets jaunes, qui voudraient pouvoir regarder ce que l'on fait de l'argent payé par leurs impôts. Et effectivement, il y a une chanson qui est sortie vendredi dernier, je crois, de Gauvin Cers, qui est donc un chanteur creusois considéré comme une sorte de successeur de Renaud, qui s'appelle Les Oubliés. Les paroles, évidemment, traitent de cette question de l'espace rural qui serait oublié, justement, des services publics. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. on est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ses bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés. France Insoumise. Les oubliés de Gauvin Serre, c'est un titre qui vient tout juste de sortir. Donc, il raconte effectivement la déréliction de certaines régions sans service public, sans école. C'est ce que raconte ce titre-là. Nicolas Rousselier, l'avantage et l'intérêt quand on est chercheur, c'est de voir surgir des événements nouveaux qui, parfois, peuvent remettre en cause des théories longuement préparées. Dans La force de gouverner, vous l'avez expliqué dans cet excellent livre sur le pouvoir exécutif en France en 2015. Combien on avait comme ça une montée en puissance de ce pouvoir exécutif qui réduisait la part du législatif et de la représentation législative à la part la plus petite. Et en fait, vous dites, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Oui, je suis en train de réviser le jugement en quelque sorte, ou d'apporter un addendum, parce que en fait, mon livre, j'arrivais sur le seuil de la Ve République, donc j'expliquais la logique de la Ve République à son avènement. Et effectivement, ça, la logique, c'était d'installer définitivement la force de gouverner au détriment de la force du Parlement. Mais là, on voit en fait que la force de gouverner tutoie de très proche, comme un funambule sur une crête, tutoie de très proche l'impuissance à gouverner. Et donc là, on a une immense machinerie gouvernementale. C'est ce qui se voit aussi dans les démocraties comme les États-Unis, encore plus l'Angleterre, par exemple, autour du Premier ministre. C'est le XXe siècle est caractérisé par cette machinerie. Machinery of government, disent les Anglais. Mais en même temps, au fond, le pouvoir politique qui vient comme une pastille au-dessus de cette vaste machinerie administrative, donc les élus, un nouveau président qui nomme un premier ministre et quelques ministres, c'est une pastille qui doit en quelque sorte venir essayer de gouverner l'ensemble de la machinerie, et c'est extrêmement complexé, extrêmement difficile. Donc là, le mouvement auquel on assiste aujourd'hui souligne non seulement la crise de la démocratie représentative dont nous avons parlé dans l'émission, mais secondement et plus profondément un développement d'une ingouvernabilité. Donc là, c'est le gouvernement, au sens l'art de gouverner, qui est touché. Oui, dans votre livre, Gérard Noriel, qu'il faut conseiller à tous nos auditeurs, Une histoire populaire de la France, qui est lui aussi le fruit d'un très long travail de plus de 10 ans, en l'occurrence, de la guerre de 100 ans à nos jours, chez Agone, vous dites que le pouvoir de l'État a toujours progressé grâce à la mémoire des conflits sociaux que les dominants conservent dans leurs archives. Mais malgré tout, là, en l'occurrence, ils pouvaient avoir tous les souvenirs des conflits sociaux précédents. Quand il y a surgissement du neuf, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, on a vu que là, en l'occurrence, ça n'a pas servi à grand-chose. Momentanément, il a été pris de court, ce pouvoir central. Mais... Je ne suis pas aussi affirmatif que vous sur ce point-là, puisqu'on a vu quand même, classiquement, dans les grandes luttes sociales, le pouvoir tente de faire peur à l'opinion, je dirais, voilà, en dramatisant les choses, la violence, etc. On a vu se reproduire d'une manière assez classique hein, ce discours politique lors des grandes manifestations. Voilà. Donc il y a des techniques quand même, qui sont éprouvées, qui sont presque parfois même inconscientes. C'est pas forcément conscient, mais qui, à mon sens, sont à l'œuvre encore aujourd'hui. Voilà. Ce qui, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, chaque mouvement est nouveau, mais il n'empêche qu'il y a des réflexes, des façons de faire qui, elles, sont classiques. Le fait que, vous savez, Flaubert, là, raconte à un moment donné, pour la révolution de 1848, que chapeau bas devant la casquette, c'est-à-dire quand il y a des grandes luttes sociales, dans l'instant où le rapport de force est inversé, les élites, les dominants s'inclinent et disent « oui, le peuple a raison », etc. Mais après, il y a tout un travail visant à récupérer, mais à discipliner ou à atténuer les choses. Mais il en reste, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que ce que je montre aussi dans le livre, c'est que toutes les luttes sociales, même quand elles sont apparemment perdantes, il en reste quelque chose. Et c'est là qu'il y a aussi une dimension intéressante. Comment les élites, les spécialistes du pouvoir, de l'administration, etc., vont être capables d'intégrer ce qui s'est produit dans des formes qui soient compatibles avec les règles classiques de la démocratie. Déjà, Nicolas Rousselier l'intègre dans sa propre analyse, oui, là, ce qui est déjà beaucoup. Mais tout de même, il y a un recours ultime. D'une certaine façon, on a vu comment les Gilets jaunes attendaient la parole du président. Donc, d'une certaine façon, il y a toujours cette attente de cet exécutif très fort qui devrait décider en dernier recours, ce que vous montrez dans La force de gouverner. On a bien vu que l'attente de la conférence de presse ou de l'allocution du président de la République était ce qui était voulu par la plupart de ceux qui étaient sur les ronds-points. Oui, ben moi je serais un peu plus pessimiste que vous. J'avais l'impression aussi que un certain nombre de Gilets jaunes n'attendaient rien de la parole du président. Donc on a un mouvement social qui est comme une pétition sans adresse. Une pétition qui est envoyée comme ça dans l'ensemble de la société, mais qui n'espère même pas être entendue. Ah ouais. Donc là, on est dans une dimension qui me semble nouvelle, difficile à interpréter. C'est comme un chartisme, là pour faire encore une référence anglaise, le chartisme c'était caractérisé par une très grande pétition faite au Parlement anglais et qui finalement avait plutôt été noyée. Mais il y avait une pétition qui s'adressait au Parlement parce que le Parlement anglais avait une légitimité aux yeux des chartistes. Mmh. Oui, mais regardez, en mai 68, on est dans dans un mouvement social qui ne veut pas finir. Parce que vous savez les accords, enfin le mot accord est même suspect, de Grenelle n'ont pas été validés par les grévistes. Il y avait un langage qui était le langage de la révolution, notamment chez les étudiants, en disant on veut faire la révolution, on ne veut pas de réformer, etc. Ouais, il y a quand même. Mais malgré tout, il y a eu un Grenelle. Oui. Tandis que là, on a une sorte de Grenelle désarticulé. Parce que les syndicats avaient un rôle plus important. Mais là, on a un Grenelle virtuel désarticulé parce qu'on avait dans son coin le gouvernement qui a pris des mesures sociales et dans l'autre coin les Gilets jaunes qui ont dit ça suffit pas, c'est démesurette. C'est vrai. Merci à tous les deux, en tous les cas, d'avoir ouvert cette série d'émissions de La Fabrique de l'Histoire qui tente, par des paroles d'historiens et des analyses d'historiens et d'historiennes, donc de réfléchir à cette question qui nous taraude depuis maintenant un mois, et en particulier cette question de la démocratie. A-t-elle besoin de représentation ? Gérard Noiriel, on conseille donc Une histoire populaire de la France de la guerre de 100 ans à nos jours, un livre surprenant, parce que au détour de certains chapitres, non seulement on apprend beaucoup de choses, mais on apprend aussi à les nuances qui sont les vôtres vis-à-vis de certains mouvements, de certaines façons de voir le populaire en particulier. Et puis de Nicolas Rousselier, on ne peut évidemment que conseiller Votre force de gouverner, le pouvoir exécutif en France, auquel vous allez rajouter d'ici peu un chapitre supplémentaire. La faiblesse de gouverner. La faiblesse de gouverner. C'est chez Gallimard. Oui. Demain, nous allons débattre de la question de la force, de la violence, violence de l'État, violence des manifestants, avec des spécialistes de cette question. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marseille, Céline Leclerc, Kevin Boisseau était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation.